cours numéro 10. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dans le cours précédent, Cheikh Hafid rahimahullah, il a cité les deux piliers de la shahada, shahadati anna Muhammadan Rasulullah. Fama huma? نعم هو عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض العلماء منهم شيخ الفوزان حفظه الله il a démontré que ces deux caractéristiques العبودية والرسالة أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد ورسول من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام et ces أركان الشهادة أي شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم et on avait détaillé قليلا أن اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية سنرد على من؟ أي la conviction, la croyance qu'on a أن النبي صلى الله عليه وسلم c'est un عبد ça nous montre que ceux qui تفضل كما فعل من؟ الصوفية نعم والنصارى بمن؟ بعيسى بن مريم نحن نسيت عقيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم c'est عبد الله c'est عبد ما معنى عبد؟ هنا مملوك نعم مملوك زيد الذي هو خلق وهو خالق ويعبد الله لا هو مخلوق مخلوق ويعبد الله عز وجل فهو مملوك اي الله خلقه سي ان كرياتور الله سبحانه وتعالى لا كري الى دور الله عز وجل سي بور سا كون دي عبد الله ورسول بل سي افضل العباد عليه الصلاه والسلام Le deuxième rukn, le Rasoul. Ça rad ala men. Fadal. Alladhina yata'anouna fi an-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Wa la yu'minouna bih. Kal yahoud wa al-Nasara wa al-Kafara, al-Mushrikin. A l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ittahamouh bil-Kadhib. Kathir minhum, ils n'ont pas cru en lui. Annahu c'est un Rasoul. Fa nahnu nu'min annahu c'est un Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. أي الله سبحانه وتعالى بعثه إلى جميع الناس الإنس والجن on a cette conviction أن الله سبحانه وتعالى il l'a envoyé en tant que messager pour toute l'humanité pour les djinns كذلك et كذلك on a la conviction la croyance أنه سعبد أي لا يستحق من العبادة شيء on n'a pas le droit de l'adorer عليه الصلاة والسلام on n'a pas le droit d'exagérer comme ils ont fait les chrétiens عيادا بالله حتى ils ont cru que Isa c'était le fils d'Allah Azza wa Jal et que sa mère Maryam c'était la compagne d'Allah Azza wa Jal هذا كفر وشرك المسلم il met les choses à leur place le Nabi sallallahu alayhi wa sallam plusieurs hadiths il nous a démontré أنه on n'a pas le droit d'exagérer et de l'élever au-dessus de sa place alayhi sallallahu alayhi wa sallam فهو سا رسول c'est أفضل البشر لكن exagérer et mentir هذا لا يجوز أي prétendre annahu kama yaf'al al-ba'd il a été créé de lumière que Allah il a créé les cieux et la terre pour lui annahu on peut lui demander annahu hada tout ça c'est pas min aqaid al-muslimin hada ma yata'allaq bi hadain ar-ruknayn et on avait lu كذلك des adilla qu'il a cité Cheikh Hafid rahimahullah et parmi les choses que Cheikh Hafid rahimahullah al-hakami il a cité أي celui qui prononce cette shahada et qui a compris le sens et qui croit ça doit impliquer certaines choses parmi ces choses ماذا qu'est-ce qu'il a cité Cheikh Hafid رحمه الله تفضل الاتباع ما الدليل احسنت فاتبعوني يحببكم الله كذلك on doit adorer Allah سبحانه وتعالى comme il nous l'a montré عليه الصلاة والسلام ما الدليل تفضل هشام بن عمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد احسنت من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اي في امر النبي عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا اي في ديننا ما ليس منه من شوز كي فيه با بارتي دو سو دين اي من القران ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد ça montre ان الانسان يبقى با ادوري الله سبحانه وتعالى كما يريد Comme il pense, comme il a envie. Là, le dîn, il y a des règles bien précises. As-salat, on doit la faire en direction de la Qibla. Personne n'a le droit de choisir une autre direction. Et il prétend que c'est son choix. Là, si il s'obstine et il fait salat autre qu'en direction de la Qibla, sa salat elle est bâtée là. Donc il est obligé, celui qui veut que sa salat elle soit acceptée, doit faire salat comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous l'a montré. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Ça ne veut pas dire que celui qui dit une sunna, sa salat n'est pas acceptée. Là, lakin les choses qui annulent la salat et il ne fait pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait, et il est shurut, et il s'obstine, hada, c'est autre chose. Qala Sheikh Hafid rahimahullah ta'ala, wa nashhad annahu khatimun nabiyyin, wa la nabiyya ba'dahu, wa man idda'a an-nubuwa بعده فهو كاذب ومن صدقه فهو كافر. Cette shahada qu'on prononce, أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم, المسلم المؤمن, il doit être convaincu أنه ce prophète, notre prophète محمد صلى الله عليه وسلم, c'est le dernier des prophètes. Il n'y a pas de prophète بعده, il n'y a pas de messager après lui عليه الصلاة والسلام. Celui qui prétend أنه c'est un nabi après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un menteur et c'est un kafir. Et celui qui croit en cette personne qui prétend être un prophète après notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, kadalik c'est un kafir. Pourquoi? Les annahu il contredit sa shahada. Témoigner anna Mohammed rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça implique annahu c'est le dernier des messagers. Les anna ce messager qu'on témoigne, nahnu, en tant que croyant, nahu, c'est un messager, il nous a informé, nahu, c'est le dernier des prophètes. Bel Allah subhanahu wa ta'ala, fil Qur'an al-Karim. Isma', qala Sheikh Hafid, qala Allah ta'ala, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Khataman nabiyyin. Ay, le dernier des prophètes. Wa fi hadith, ad-dajjal, في الصحيحين وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم أنه يزعم أنه نبي أي الدجال يزعم أي prétend أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. Et ça, ça montre أن الدجال c'est un كذاب. Parmi ces mensonges, le Messie الدجال, أنه il va prétendre que c'est un nabi. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam قال وأنا خاتم النبيين. Aïe, c'est un menteur. Je suis le dernier des prophètes. Et il n'y a plus de prophète après le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa kada fil musnad. Musnad al-imam Ahmed rahimahullah. Min hadith Thawban radiyallahu anhu. Wa annahu yakunu ba'di kadhabun thalathun kulluhum yaz'am aw yaz'um annahu nabiyun wa ana khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di. فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والسيد ولد آدم أجمعين حتى الأنبياء والمرسلين. فهذا الحديث le prophète صلى الله عليه وسلم nous a informé أن après lui il y aura 30 personnes qui vont prétendre être des prophètes. C'est tous des menteurs. وأنه يكون بعد كذابون 30 menteurs après moi qui vont prétendre être des messagers. ثم النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré ولا نبي بعدي. Il n'y a pas de prophète après moi. Tous ceux qui prétendent être des prophètes après notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, c'est des menteurs. Le prophète صلى الله عليه وسلم c'était le dernier. C'est le dernier des prophètes et c'est le meilleur des êtres humains. عليه الصلاة والسلام. Et ça englobe كذلك الأنبياء والمرسلين. أفضل الرسل c'est le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. أفضل الأنبياء كذلك c'est le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. أفضل البشر سل البروفيت صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ حافظ رحمه الله قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. Ça montre, il cite ce dalil رحمه الله pour démontrer أن الله سبحانه وتعالى il a élevé des messagers. Il y a des messagers qui sont meilleurs que d'autres. مثل الصحابة كذلك. فالله سبحانه وتعالى choisit qui il veut. Parmi les messagers, il a choisi Al-Khalilan, Ibrahim et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les deux, c'est Afdal al-Anbiya wa al-Rusul. Et كذلك, il a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est Afdal min Ibrahim bil-Ijma'. Et le mu'min, il aime tous les messagers, tous les prophètes. Lakin, il a cette croyance en certains messagers, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a élevés par rapport à d'autres. قال أهل التفسير ورفع بعضهم درجات هو محمد صلى الله عليه وسلم وفي حديث الشفاعة الطويل أنا سيد ولد آدم ولا فخر النبي صلى الله عليه وسلم سأفضل الأنبياء والرسل et parmi les adillah هذا الحديث حديث الشفاعة أنا سيد ولد آدم ولا فخر كذلك أن يوم القيامة quand أهل الموقف Et les êtres humains, ils attendent pour se faire juger. Ils ont été ressuscités. Mais une chute de titane, tellement que ça sera difficile. L'Anna Hashem, elle sera très proche, le soleil sera très proche. Et tout le monde est debout, tout le monde attend. C'est fatigant. Enfin, des personnes, ils vont décider d'aller voir certains messagers pour faire shafa'a. Enfin, ils vont aller voir Adam. Et Adam, il refusera. Et il leur dira d'aller voir Nuh. Nuh, il refusera. وكذلك إبراهيم موسى عيسى حتى يفيندرون voir le prophète محمد صلى الله عليه وسلم et le prophète محمد صلى الله عليه وسلم il fera الشفاعة et Allah سبحانه وتعالى il acceptera sa شفاعة il lui donnera l'autorisation il رفع رأسك واشفع تشفع et Allah سبحانه وتعالى il jugera les gens ça montre أن النبي صلى الله عليه وسلم c'est أفضل الرسل لأن cette شفاعة cette منزلة عظيمة المقام المحمود C'est réservé exclusivement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. قال الشيخ حافظ رحمه الله ونؤمن بما أجراه الله على يديه من المعجزات الخوارق للعادة التي أعظمها القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال فيه صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إذا تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله الحديث في الصحيح كذلك on croit à tous les miracles qui ont accompagné le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم que ce soit l'Isra ou le Mi'raj que ce soit قصة انشقاق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر beaucoup de miracles que le prophète صلى الله عليه وسلم il a eu Et Cheikh Mokbel, il a un kitab tayyib fi hada, dala'il al-nubuwa. Il cite des hadiths sahiha, des choses qui montrent la véracité de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il cite beaucoup de ces miracles. Et a'azam hadhihi al-mu'jizat, le plus grand miracle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu, c'est hada al-Qur'an. Kitab azim. La ya'tihi al-batil min bayni yadi wa la min khalfi. Il est infalsifiable. Depuis qu'il a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, wallillahi alhamd, il n'a pas été déformé. Les textes, les versets, ils ont une compréhension qui n'est pas sahiha. Ils déforment. La compréhension, le texte, les versets eux-mêmes, alhamdulillah, c'est min al-mu'jizat. Kadhalik, anna man tamassaka bihada al-Qur'an ila yawm al-qiyamah, il sera guidé. Et at-tamassuk bil-Qur'an, suivre. Les commandements qui sont faits le Coran et s'écarter des interdits, ça implique de suivre la Sunna. Les Allah subhanahu wa ta'ala amara bi ittiba' an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam comme on l'a vu dans plusieurs adillah. Et كذلك dans une autre riwaya de ce hadith, inni tariku fikum ma idha tamassaktum bihi lan tudhillu kitab Allah wa sunnati. Qala rahimahullah wa nu'min bima sayukrimuhu Allah bihi fil akhirah min al-karamat allati a'zamuha al-maqam al-mahmud. الذي يغوطه به الأولون والآخرون قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شافع وأول مشفع وأول من يقرع باب الجنة إلى غير ذلك مما لا يدخل تحت حصر نعم beaucoup de choses que Allah subhanahu wa ta'ala il a réservé pour notre prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم كذلك الحوض ce bassin où les croyants ils buveront yawm al-qiyama al-maqam al-mahmoud al-shafa'a كذلك on a cité al-hadith anna nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est lui qui fera al-shafa'a pour tout le monde et cette shafa'a elle englobe tout le monde ahl al-mawqib hatta al-kufa pour que les comptes ils commencent هذه هي الخاصة pour النبي صلى الله عليه وسلم et beaucoup de choses comme قال الشيخ حافظ الى غير ذلك مما لا يدخل تحت حصر des choses qu'il ne peut pas citer dans cette risala qui est très courte Et il y a beaucoup de livres fi hada fi sahih al-Bukhari fi sahih Muslim des abwa fi dala'il an-nubuwa on a cité les livres de Cheikh Mokbel et beaucoup d'autres ouvrages. قال الشيخ حافظ رحمه الله والأدلة من الكتاب والسنة على مطالب الشهادتين وشروطها أكثر من أن تحصر وقد اقتصرنا في كل مسألة على دليل من الكتاب والسنة. Et conclut cette risale, rahmatullah alayhi, pour démontrer أنه son but c'était de résumer. وإلا certaines مسائل, certains شرط parmi les شروط, ربما il aurait voulu, rahmatullah, il aurait cité beaucoup de adil. Certains شرط comme l'ikhlas, comme le sidq qu'on a vu, ou comme le ma'na. Enfin, le Cheikh Hafid, rahimahullah, il est capable d'écrire un livre que sur un short. Lakin, son but, c'était de résumer. Ça, c'est muhim. Surtout à notre époque, كثير من الناس شغلوا عن العلم. Ils n'ont plus le temps, ils n'ont plus la force. Ils sont occupés avec les fitan, avec le qil wal-qal, avec le dunya. Enfin, c'est pour ça que l'ulama s'efforce à écrire certains ouvrages, khasatan fi tawhid, avec des rasa'il très courtes. Ce n'est pas tout le monde qui a le temps de lire un mujallad ou qui a la capacité. Quelques pages, une dizaine de pages, et alhamdulillah, il y a khayrun kathir. Pour faire la da'wah, c'est important, ikhwan, de s'adapter à celui à qui tu fais la da'wah. Et quand on dit s'adapter, ça ne veut pas dire délaisser le haq ou accepter son batil. Mais si tu peux lui faire comprendre avec des phrases simples, courtes, un petit livret, il y a beaucoup plus de possibilités qu'il lise une petite risala de 10 pages qu'un mujallad de 100 pages. كثير من الناس الان حتى une risala matwiya de 2 pages, 3 pages, ربما il ne trouve pas le temps. لهذا الداعي الى الله عز وجل, son but c'est de faire parvenir le khayr sans faire de concession في الدين. الحق c'est الحق. لكن la façon de montrer, la façon d'apporter, la façon d'expliquer, c'est مهم. قال لقصد الاختصار وإلا فهو بعض من كل. Donc c'était ça son but, l'ikhtisar, aïe, de résumer. وإلا فهو بعض من كل, aïe, c'est qu'une chose parmi tant d'autres qu'il a cité l'un. Il peut citer des autres masail, il aurait pu citer les annulatifs qu'on va résumer inshallah, il aurait pu citer plus de adillah, lakin son but c'était de résumer rahimahullah. ودق من جل وقطرة من بحر. C'est une goutte d'eau par rapport à un océan, ce qu'il a cité, rahimahullah. وفيه إن شاء الله كفاية لمن أراد الله إخراجه من الظلمات إلى النور. Celui qui veut le khayr, الذي وفقه الله, il veut faire des efforts. في الحقيقة, si on maîtrise cette risale, on comprend les deux shahadatayn, on les met en application, on connaît les shurut, on s'écarte de leurs annulatifs, فإن شاء الله فيها خير. فيها خير, لأن ces deux shahadas elles englobent le din. Celui qui est sincère et suit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est al-muwahhid, wa lillahi alhamd, il sera min al-faizin. Et ça nous montre que dalik, c'est pas la peine de rentrer dans des grosses masail, des gros livres, et on n'applique pas. Là, le but c'est d'appliquer. Donc on commence par des rasail courtes. Et quand elles sont maîtrisées, inshallah, petit à petit, on augmente. Amma, regardez que l'apparence, ou les gens, on a fait, هذا لا لا ينفع. فلو المسلمون الآن ils comprendraient مثل هذه الرسالة et la mettre en application, il y aura un khayr azim. لكن كثير منهم نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع, ils ont du تقصير في هذا. قال وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهى. رسالة عظيمة ولله الحمد. On l'a étudié ensemble en quelques assises. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yanfa' biha. Donc on doit toujours, nahnu, donner de l'importance à ce sujet, at-tawhid. C'est la base de notre din. C'est avec ce tawhid qui rentre dans l'islam, et il doit vivre ala hada at-tawhid, et il doit mourir ala hada at-tawhid. Donc on fait des efforts fi hada. Mais pour pouvoir faire des efforts fi hada, il faut faire des efforts fil ilm, faire des efforts dans la langue arabe, faire des efforts fil hifz, s'éloigner des fitan, qil wal qal. Il y en a celui qui est occupé par al-batil, par des choses inutiles, il ne pourra pas profiter des choses utiles. Il y en a, il est occupé. C'est comme un verre qui est plein, tu ne peux pas le remplir par autre chose, tu es obligé de le vider. Hakada, ce cœur. Ce cœur, tu le compares à un récipient. S'il est plein, il n'y a plus la place pour autre chose. Enfin, on doit tout faire pour le remplir de choses utiles. Et la chose la plus utile, c'est Hada Tawhid. Et on a étudié ensemble les Adillah. Celui qui haqqaq les shurut, il fait partie de Ahl al-Jannah. Donc on fait des efforts fi hada. Et on cite pour conclure les annulatifs, les anna, comprendre et appliquer, c'est muhim, c'est très important. Lakin on doit faire attention kadhalik à ne pas annuler ces deux shahada. Et les ulama ils ont cité les annulatifs de l'islam. Fil haqiqa c'est les annulatifs de l'iman, c'est les annulatifs de shahada. Parmi les annulatifs que Ahlul Ilm cite, que ce soit Cheikh l'Islam ou autre, alayhim rahmatullah, al-shirku billah, azza wa jal. Al-shirk ça annule jami' al-a'mal. Comme قال عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك. Si tu fais du shirk, tes œuvres seront vaines, annulées. Donc le musulman doit faire attention. Celui qui prononce annahu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, il n'a pas le droit de se contredire. Et s'il se contredit, il se fait du mal qu'à lui-même. Il y en a celui qui témoigne annahu la ilaha illallah. Enfin, fait le haqiqa, il a témoigné de quoi? Indaman. En même temps, on en profite pour réviser les al-ma'na et les shurut qu'on a vu. Enfin, celui qui témoigne annahu la ilaha illallah, il a témoigné de quoi? Hein, indak. An ya'bud Allah wahda. فلماذا faire du shirk? الشرك c'est adorer autre qu'Allah. Comme يفعل بعض الزائرين والعياذ بالله. Il dit la ilaha illallah, il égorge pour une tombe. Il égorge pour un mort. Il égorge pour un djinn. Il demande à un mort. Ya fulan, donne-moi, ya fulan, guéris mon enfant. Ad-du'a c'est une ibada, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce Nabi dont on témoigne annahu rasulullah, il nous a informé que ad-du'a huwa al-ibada. Donc en fait, celui qui invoque autre qu'Allah, il a annulé la ilaha illallah. Limadha li'annahu yiddi la ilaha illallah. Et personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Et il adore autre qu'Allah, donc il s'est contredit. Kadhalik, il dit Muhammad Rasulullah. Et il adore autre qu'Allah, alors que ce Rasul, il dit ad-du'a huwa al-ibad. Et le Nabi sallam, il a interdit le shirk. Le musulman, il doit faire des efforts pour ça. Falhadhar min al-shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah, il pardonne pas le shirk. Et celui qui meurt على الشرك الأكبر الله لا يغفر له. C'est أعظم الذنوب. C'est le plus grave des péchés. Quand ils ont demandé au prophète صلى الله عليه وسلم عن الكبائر, il leur a démontré أن أعظم كبيرة, le plus grave des péchés, الإشراك بالله, faire du shirk. كذلك, celui qui meurt على الشرك, il est في النار. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. Celui qui meurt على الشرك الأكبر الله lui annule ses œuvres, il lui interdit le jannah et il le laisse éternellement في النار. Donc on doit faire des efforts fi hada. Kadhalika al-mushrik, celui qui meurt à la shirk, il ne pourra pas profiter de shafa'a, que ce soit shafa'a al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou autre. On ne parle pas de shafa'a qu'on a cité à la fin, celle que tout le monde profitera pour que les comptes y débutent. Lakin al-mushrik, quand les comptes y débuteront, ça sera en sa défaveur. Il ne profitera plus de shafa'a s'il va finir. Il ne sortira plus. Donc on fait des efforts fi hada. Min al-nawaqid kadhalik, parmi les annulatifs de cette shahada, man lam yukaffir al-mushrikin aw shakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum. Ceux que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ils ont rendu kafir, huwa il s'oppose, il dit là. Maintenant il dit al-yahoud wa al-nasara, c'est pas des kuffar. Ha'oula, on leur dit, pourquoi tu témoignes annahu la ilaha illallah, ay annahu, c'est lui qui mérite l'adoration. Est-ce que al-yahoud wa al-nasara ils ont adoré Allah seul? Là, ashraku billah, c'est pour ça qu'on dit que c'est des mushrik. Fa anta, normalement si tu prononces la ilaha illallah bi sidq, les conditions qu'on a citées, wa bi ikhlas wa bi mahabba, tu dois détester ceux qui ont annulé cette shahada. C'est pour ça que al mu'min il ressent aucune gêne, il a aucun mal à dire al yahoud c'est des kafara, al nasara c'est des kafara, al mushrikoun c'est des kafara. Pourquoi? Li'annahum, ils ont contredit les deux shahada. Est-ce qu'ils ont subi une injustice? Abadan. لكن بعض الجهال اللي رام با كفار بعضهم يصحح مذهبهم كما il a cité Cheikh l'Islam fi an-nawaqid, ay idi c'est nos frères, ils ont un din sahih et nous on a un din sahih. Celui qui prétend que les yahoud ou les nasara ils ont une religion haq comme la nôtre, lui-même il a plus de religion. On préserve cette ni'ma, ces deux shahada c'est un kanz, c'est comme un trésor pour toi ayyuha al-mu'min. كذلك من النواقد que les ulama et cite, man i'taqad anna ghayra hadi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam akmal min hadi. Ba'dhum prétend anna cette voie, une voie quelconque, un madhhab, un din, il est mieux que le din de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mieux que sa sunna, mieux que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa hada, pourquoi il témoigne anna Muhammadan rasulullah, Si témoigne à Mohammed Rasoulallah, ça implique que c'est le Rasoul, ça implique que c'est Afdal al-Bashar, ça implique que sa religion c'est la vérité. À prétendre le contraire, ça annule cette shahada qu'il a prononcée. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ. Enfin, celui qui aime Allah et qui aime le Rasoul, il va suivre le Rasoul. Et il va détester ceux qui délaissent la voie du Rasoul. Amma prétendre que cette voie est mieux que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait le shart al-mahabba, il y a un problème. Et il aimerait vraiment, il n'aurait pas fait passer une voie sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la nawaqid kadhalik, man abghadha shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa law 'amila bihi kafara ijma'an. Et celui qui déteste une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, nous a montré. Il déteste le hijab, matalan, il déteste la salat, il déteste le hajj, il déteste Ramadan. Il déteste une chose alors qu'il sait très bien que cette chose elle fait partie du din. Hada, il a annulé son din. Limada, li'anna parmi les shurut de la ilaha illallah, mada? Al-mahabba. Mahabbat mada? Mahabbat al-din, mahabbat al-tawhid, mahabbat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mahabbat Allah qabla dhalik. Si on qadr que wahad, il prononce cette shahada, il déteste quelque chose de l'islam, on lui dit, pourquoi t'as prononcé une chose, t'es censé aimer, thumma tu détestes une partie de cette chose. Matalan, t'aimes l'islam, tu prononces la ilaha illallah, pourquoi tu détesterais le hijab? Pourquoi tu détesterais sunnah, minas sunan? Pourquoi tu détesterais salat, ramadan, al-hajj? Pourquoi? Celui qui déteste ces choses, ça montre que son cœur il est malade. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. هكذا قال عز وجل. Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il a annulé les œuvres de certains? ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. لِمَاذَا لِأَنَّهُمْ, ils ont détesté certaines choses que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélées. بعضهم détestent la sharia. Pourquoi ils appliquent la sharia? بعضهم détestent le hijab, بعضهم détestent des sunan, alors qu'ils savent très bien que c'est du dîn. فهؤلاء الله سبحانه وتعالى إلى أن يلغزب عياذا بالله إيه لأنهم يديز أشهدوا أن محمد رسول الله donc ils témoignent que c'est رسول الله donc ils doivent l'aimer, ils doivent le suivre ثم ils détestent une chose avec laquelle il est venu عليه الصلاة والسلام. Parmi les نواقد كذلك من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك on revient à شرط محبة. Est-ce qu'une personne sensée elle va se moquer de quelque chose qu'elle aime? أبدا. Ceux qui se moquent, ça montre que dans leur cœur, cette chose dans laquelle ils se moquent, ils ne lui donnent pas d'importance. C'est pour ça que ceux qui se moquent d'Allah, ou du Rasoul, ou du Dîn, c'est des kuffars. وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّ نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. هكذا يقول الله عز وجل. Si tu leur demandes, ils diront, on plaisante, فقط. Allah عز وجل يقول, قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Est-ce que vous vous moquez d'Allah, de ce verset et de son Rasoul? Et vous plaisantez, comme a déjà fait le hadith, annahum, ils étaient en voyage, certains munafiqs, et pour faire passer le temps, ils se moquaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Ça montre que le cœur il est malade. Qala azza wa jal, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ne vous excusez pas, vous avez perdu votre foi. Et cette shahada que ce munafiq il faisait apparaître, Allah subhanahu wa ta'ala il les a démasqués dans ce genre de verset. Le musulman il prononce cette shahada, il aime cette shahada, il déteste ceux qui détestent cette shahada, il respecte cette shahada, il ne se moque pas. Pourquoi il se moquerait de son dîn? Parmi les annulatifs, as-sihr, la sorcellerie, ça c'est très grave. Léana, ce sorcier travaille avec des shayatins, thumma, croire en ce qu'il fait ou aller le voir, alors qu'il combat dîn, alors qu'il travaille avec shayatins qui détestent dîn. Parmi les annulatifs, mudaharatul mushrikin wa mu'awanatuhum 'ala al-muslimin. Et on avait précisé dans Dars Nawaqid, c'est celui qui secourt le kuffar contre les muslimin min ajl ad-din. Amma ba'dhum, ils ont des faiblesses par rapport à dunya alors qu'ils les détestent. C'est une ma'siyah, c'est une kabira, c'est grave. Amma celui qui aide les kuffar pour combattre l'islam ou pour propager al-kufr, fa hadha il a perdu son din. Al-wajib 'ala al-muslim, c'est de détester al-kuffar. Il doit les détester, villa. Et les détester, ça ne veut pas dire être injuste. Abadan. Lakin, on les déteste et on se comporte comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a démontré. Amma, les aimer ou secourir leur din, hada, c'est haram et ça fait partie de nawaqid al-islam. Kadhalik, min al-nawaqid, que Cheikh al-Islam, il a cité, man i'taqada anna ba'd an-nas yas'ahu al-khuruj an shari'ati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a le choix On n'est pas obligé de suivre ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ahada, c'est du kufr. L'Anna Allah Azza wa Jal, il a imposé à tout le monde de suivre ce Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. On n'a pas le choix. Fi hada al-hal. Et fi al-haqiqa, celui qui aime le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a aucun problème à le suivre. Bel, walillahi alhamd, c'est une fierté pour lui. Ça l'élève. C'est pour ça que celui qui prononce cette shahada, il n'a pas le droit de se contredire. Il prononce shahada, tomba, il prétend là-haut, il a le droit de ne pas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah oui, une voix elle est mieux que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bah, il a annulé sa shahada. Sha'a am aba. Qu'il le veuille ou non, sa shahada lui est d'aucune utilité. Kadhalik, mina nawaqid al-i'rad, an dinillah. Aïe, délaisser le din. Ne pas appliquer le din. La ilm, wa la amal, wa la shay. Hada, il prononce une chose avec la langue, faqat. Et il donne aucune importance à ce din. Wa rubbama, il contredit ce din avec al-shirk. Et tout ça, al-naqid al-ashir al-i'rad, on l'avait détaillé avec les autres annulatifs dans certains doros qu'on avait fait fi nawaqid al-islam ma'a ba'd al-ikhwan wa lillahi alhamd. Fa hadha ma yata'allaq bi hadhihi ar-risala, fa réviser le ma'na des deux shahada. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Réviser les shurut. Les deux piliers de la ilaha illallah, les deux piliers de la deuxième shahada, كذلك les shurut, كذلك les annulatifs. Et celui qui a maîtrisé cela et qui a compris, fa fi al-haqiqa, il est fi ni'matin 'azima jiddan. Inshallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad. Et inshallah, les prochains cours, on vous dira quel livre on commencera pour remplacer Miftah Dar al-Salam qu'on a fini aujourd'hui et الفرق بين النصيحة والتعيير de الإمام رجب qu'on a fini dans le درس précédent إن شاء الله تعالى حياكم الله.